l'histoire de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Bonsoir et bienvenue à Terra Incognita, le Terra Incognita du 12 mars 2022. Ce soir, on a un premier bloc purement italien et toutes des nouveautés. On va avoir en tout premier lieu de Rossi et Bordini, un album éponyme. Il s'agit du projet du claviériste Gianluca De Rossi et du batteur Carlo Bordini, respectivement claviériste au sein de Taproban et batteur pour Cherry Five. D'ailleurs, les deux ont joué au sein de Cherry Five pour l'album paru en 2015, Il Pozzo di Giganti. Et on aura par la suite The Rome Prog Jet, un projet que les gens connaissent assez bien. Cinquième album qui a pour titre Companion of a Lifetime. Et comme d'habitude, Monsieur Vincenzo Rica nous propose une liste d'invités qui va de Steve Hackett, David Jackson, en passant par Tony Levin, John Hackett, Bernardo Lanzetti, donc encore plein de beau monde pour ces disques. Et après ça, Marc, je pense qu'on a deux autres nouveautés italiennes, dont une qu'on a présentée pas mal d'extraits depuis des mois. Oui, on aura un deuxième extrait du nouvel album de Nathan, dont on a fait jouer une première pièce la semaine dernière, l'album Womini di Sabbia. On aura la pièce Delirio Onirico, et ce sera suivi de la formation Odessa. Moi, j'attends cet album-là depuis plus d'un an maintenant, parce que l'album L'Alba della Civiltà, grâce à Terra Incognita, on a eu en primeur plusieurs pièces de cet album-là tout au long de l'année dernière, à partir du mois de février. Moi, à chaque fois, Michel, je te disais, bon, tu me réserves l'album, mais heureusement, il paraît bientôt, alors on aura une nouvelle pièce intitulée L'Organista del Bosco de la formation Odessa. Mais tout d'abord, on débute avec la nouveauté de De Rossi et Bordini. Thank you. Hello, it's Pier Giorgio of Nathan, and you present listening Terra Incognita directly from Quebec City. I'm proud to present the song of our new album, Uomini di Sabbia.

pain. Matin, midi, soir, ça goûte bon à la boîte à pain. À chaque instant de la journée, on entre en succursale et ça sent la fraîcheur. À notre menu, plus de 40 variétés de pain, sandwicheries, pizza et calzone cuits au four à bois, quiche maison, soupe, salade, viennoiserie, café et dessert. La boulangerie artisanale La Boîte à Pain, Saint-Roch, Sainte-Foy, Limoilou et Grand Marché. Boîteapain.com. Les skatepunkers de Haiti, tous sont de retour avec un tout nouvel EP, Gaslighting. Disponible dès maintenant sur toutes les plateformes numériques. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulézard.com. Pour donner le coup d'envoi de la seconde partie de l'émission, on a choisi une formation californienne qui a pour nom Isobar. Et ils ont présenté il y a quelques mois un album qui a pour titre 2, Isobar 2. Un groupe californien donc formé par trois membres de la formation Métaphore, formée en 2020. Et puis, ben, c'est leur deuxième, donc on peut dire qu'ils sont assez réguliers, là, un album par an. Et ça a été formé par le guitariste Malcolm Smith, le claviériste Mark Spooner et le bassiste Jim Anderson. Et devinez qui vient compléter le groupe, nul autre que le batteur suédois Mathias Olsson. Et puis après, on aura d'Italie. Je sais qu'on vous a présenté des extraits de Pulsar Origin of Life, le groupe italien. Et puis là, ben, on a un extrait de son second disque, The Arecibo Message. Et on va demeurer en Italie par la suite, Marc, avec des vieux routiers de la scène progressive italienne. Oui, il s'agit de la légendaire formation Osana, qui a débuté en 1971, qui avait fait paraître d'ailleurs 5 albums de 71 à 78, et qui se sont reformés en 1999. Ils ont 4 albums entre 2001 et 2021. Ce qu'on aura, c'est un extrait de leur plus récent album, donc paru en 2021, Il Diedro del Mediterraneo. Et on aura la pièce L'Uomo del Prog. Et ce sera suivi de la formation américaine de Deaton Lemay Project. En fait, c'est deux musiciens, Robbie Deaton et Craig Lemay, batteur. Monsieur Deaton, lui, c'est le clavier et les guitares. Il est un grand amateur de Rick Wakeman. Et donc, c'est l'album de Fifth Element, qui est leur second album et qui est paru en 2022. Et on aura la pièce Exordium. Mais on débute tout d'abord avec la formation Isobar.

CKRL. Québec. Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça. Mais qu'est-ce qu'on mange? Ni ça. Vous protège pas de ça. De la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine. Ou ça. Ou même de ça. Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous. Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. De retour à l'émission Terra Incognita avec Michel Bilodeau et Marc Chaunet. Alors, dans le prochain bloc musical, on terminera avec la formation française Typhoon, qui a été fondée dans les années 70 avec, entre autres, Jean-Jacques Goldman, et qui s'était séparé après deux albums. De cette formation originale, ne compte dans ses rangs aujourd'hui que le guitariste Can Mai. Alors, ils ont réalisé un nouvel album en 2021. Un album intitulé Dragons of the Seven Seas. On aura la pièce Dragon. On aura également une pièce du trio Tillyson, Rheingold, Tiranti. Alors, on parle ici de Andy Tillyson, de Jonas Rheingold et de Roberto Tiranti. Ce dernier étant le chanteur de Mangala Vallis. Les deux autres, je pense que vous les connaissez pas mal bien. Alors, donc, ils ont fait paraître un album en 2021 intitulé Allium, una storia. C'est en fait l'histoire d'un groupe obscur qui avait pour nom Allium et qui avait beaucoup marqué Andy Tillyson dans les années 70. Alors, on aura la pièce Mai Tornare de cet album. Mais pour débuter le bloc, Michel, on a une formation norvégienne qui vient de faire paraître hier un nouvel album en spectacle. Oui, on parle de Gaspacho, une formation de Oslo qui présente son troisième disque en concert. En fait, c'est un CD-DVD. Car le concert a été filmé et enregistré, donc qui a porté le Fireworking at Sainte-Croix. Ça a été filmé dans le local de répétition du groupe, étant donné que bon, la situation que l'on a tous connue et qu'on connaît encore lors de la pandémie, le groupe a voulu témoigner de son plus récent album studio et finalement a enregistré un concert sans flafla, sans éclairage, en fait, brut, comme on dit, dans son local de répétition. Ça va être disponible en CD, Blu-ray, version double vinyle, et évidemment en téléchargement. Et puis le Blu-ray a un bonus, un autre concert filmé lors du Soyuz Tour de 2019. Donc, très intéressant pour les amateurs de Gaspacho. Et on en écoute un extrait à l'instant. The parasite that lives in me murders words. From where I stop and it breathes in, we're biting our tails, the cycle begins. So that the day of memorial, while the train would depart, close to midnight, lonely passenger. Thank you. pagare. Una casa travolta al di là del mio male. Dietro un velo di gioia, uno sguardo distante. We'll be right back. CKRL 89.1. Le son de cette sonnette vous semble probablement bien banal. À moins que l'on vous dise que c'est Gilles, 75 ans, qui distribue des repas à des personnes dans le besoin de son quartier. Et que pour bien des gens, c'est le son le plus réconfortant qu'ils entendront aujourd'hui. Le Québec est riche de ses aînés. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec. Les samedis soirs de CKRL sont une présentation du Bal du Lézard, partenaire légendaire du 89.1. Consultez la programmation des spectacles sur lebaldulezard.com. Nous voici déjà arrivés à la dernière demi-heure de l'émission Terra Incognita pour cette semaine. Alors, dans le prochain bloc musical, on aura Steven Wilson et un extrait de son album The Raven That Refused to Sing, paru en 2013, qui est peut-être un de ses plus sombres et plus progressifs dans sa discographie. On aura la pièce Luminol. Et aussi, Michel, depuis quelques semaines, on voit sur nos écrans l'horreur en direct et j'ai pensé qu'un extrait de cet album de Matthew Parmenter était tout à fait à propos. Oui, tout à fait. Écoute, je pense pas que Matthew ait composé en songeant à la guerre, mais c'est sûr que ce qui l'intéresse, c'est le côté sombre de l'humain et de l'humanité. Et puis ça, bien, malheureusement, c'est ce qu'on est en train de vivre et qu'on ne pensait ou en tout cas on ne souhaitait jamais vivre. Donc on y va avec un extrait de l'album de Matthew Parmenter qui s'intitule Horror Express. Naked and unashamed. how the question is framed. I'm shriveled old and gray, and all say it's over now. This film, this fairy tale, when all the dead are dead and gone. Tonight I lost control. Is how the story began. The car careens, I roll. Bless my soul, it's over now. This fraud, this fantasy, when all the racing for the fall. From where I can't recall. Awake or hit the ground. The panic swells, I sprawl. Now bounce ball, it's over. struggle to come so far, but end up returning to dust. Sun, rain, or sun. The words he sings. they speak of things he'll never know. bien, c'est déjà le temps de vous quitter. Et on va vous quitter ce soir avec moi, ce que j'appelle un classique de Terra Incognita, c'est-à-dire le groupe K2 et l'album Book of the Dead avec le défunt et incroyablement bon chanteur Sean Guérin. Marc, je pense que ça a passé comme à de multiples reprises à l'émission. Il n'y a pas une pièce qui a été épargnée, je pense. C'était Marc Chonnet et Michel Bilodeau avec vous depuis 22 heures. On vous invite à nous revenir la semaine prochaine, même heure, même poste. Et on vous remercie d'avoir été là ce soir avec nous. C'est l'autoroute qui suit dans quelques instants et on vous souhaite une excellente nuit à l'écoute de CKRL.